les chansons françaises, il est tout pile 14h. Je vais essayer de vous envoyer du froid. France, www.maxifrance.fr, c'est 24h sur 24, le meilleur de la chanson française, des années 80 à nos jours. Et à suivre sur Maxi France, Tina Arena ou encore Jace Jonathan que je vous propose et que je vous prépare. Et tout de suite, peut-être vous avez reconnu l'intro, les années 80 avec Jean-Michel Jarre. Tout de suite, Zoolocologie. Bon après-midi avec nous.